dédicacé ces versets à celui qui pour elle a eu trop de larmes de verser. E-double-D-Y. T'es son bébé, tu sais, quand tu es né, il n'était pas parfait, mais il t'a fait, ça c'est un fait. Ta mère lui a toujours reproché de n'être qu'un père, aimant sa fille, il eut tout le bien qu'il te fait. Tu sais, sa fille n'a pas toujours été rose, mais c'était le bonheur pour lui de te donner un nom à la douceur d'une pétale de rose. C-A-M-E-L-I-A pour toi, il serait prêt à faire une guérilla des taux qu'il a. Cette lumière qui éclaire sa sombre route du désespoir, cette pensée qui le maintient quand dans sa tête tout est noir. Ce doux rêve qui le réveille quand il fait des cauchemars. Cette prière au bon Dieu quand la poisse le guette jusqu'au mitard. Son bébé, il t'aime, il t'a toujours aimé pour toi. Il serait prêt à tout laisser tomber, quitte à mettre un terme à sa vie pour te sauver. Du temps, il en a gaspillé, des bouteilles, il en a avalé pour noyer les soucis que ta mère lui faisait endurer. Tu sais, quand il me parle de toi, je sens la tristesse dans sa voix. Sa bonne voix, c'est toi, toi qu'il voit trop peu pendant de longs et pénibles mois. Moi, je sais ce qu'il veut, je sais ce qu'il voit. Moi, je te dis ce qu'il veut, ce qu'il voit, c'est toi, sa petite fille, son cœur, sa boubouille, celle qui remplit sa vie de beaucoup de bonheur et beaucoup d'embrouilles. Un ange pour lui ouvrir les yeux, sa petite fille pour qu'il fait ce qu'il peut. Loin des yeux, mais dans son cœur, petite fleur, pour toi, il fait tout sans rancœur. Tu as 4 ans maintenant, un âge où on peut comprendre certaines choses, certains gestes que c'est plus tard que tu aurais dû apprendre, mais c'est trop tard, contre ton gré, que peut-être tu as assisté à des scènes malsaines qui peuvent persister dans un futur assisté par ton paternel qui peut être choqué par des futurs méfaits. Si tu pensais à rester auprès d'une famille composée de fréquentations osées, posées, textes composés pour un cœur sans regret de t'avoir composé. Ton père fait malhonnête, mais c'était parfois pour des choses honnêtes. Maintenant il est rangé, fini pour lui le temps de vendre des savonnettes. Il ne pense qu'à te langer, comme son bébé que tu es. Ma plume t'offre son cœur, petite fleur. Tu sais, j'aimerais pouvoir tout refaire pour vous voir, toi et ton père, ensemble sans problème. Son cœur saigne, ma plume peine, et moi je pleure. Alors je vous laisse, mais pas sur des larmes de tristesse. Un ange pour lui ouvrir les yeux, sa petite fille pour qu'il fait ce qu'il peut. Loin des yeux, mais dans son cœur, petite fleur, pour toi, il fait tout sans rancœur. Un ange pour lui ouvrir les yeux, sa petite fille pour qu'il fait ce qu'il peut. Loin des yeux, mais dans son cœur, petite fleur, pour toi, il fait tout sans rancœur.